quest'anno ho uguali. A vexe il montagno se pare. Au ciel et terre comme un seul homme, j'attends de toi une parole qui est simple. Je merci tout pour ce moment de bien d'amour. Vivre, c'est pour toi que toute la matière est au fond de tes yeux. Je vois l'univers. Je vois l'univers.